Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Les passages en latin sont supprimés sur cet enregistrement en synthèse vocale. Chapitre 19. Comment les visions et les paroles de Dieu, qui sont vraies en elles-mêmes, peuvent-elles nous jeter dans l'illusion? Passage des divines écritures alléguées à ce sujet. Les paroles et les visions divines sont toujours vraies et certaines en elles-mêmes, mais non pas toujours selon notre interprétation personnelle, et cela pour deux raisons. La première de ces raisons tient à notre manière imparfaite de les concevoir. La seconde vient de leur cause, ou de leurs motifs, qui peuvent être combinatoires et comme conditionnels. Par exemple, il faut sous-entendre, si l'on ne s'amante pas, ou si telle chose a lieu, bien qu'à la lettre les paroles soient absolues, apportons à l'appui de cette doctrine l'autorité de la Sainte Écriture. Dieu, qui est un abîme d'immensité et de profondeur, renferme ordinairement dans ses prophéties et dans ses révélations des pensées, et des conceptions très différentes du sens que nous pouvons communément leur attribuer, et même elles sont d'autant plus vraies et plus certaines qu'elles nous le paraissent moins. Les prophéties et les paroles de Dieu, adressées à certains personnages de l'Antiquité, ne se réalisaient pas selon leurs prévisions, parce qu'ils les prenaient trop à la lettre. Chaque page du texte sacré nous en offre une figure. Dans la Genèse, après avoir conduit Abraham dans la terre des Chananéens, Dieu lui dit « Je te donnerai cette terre afin que tu la possèdes. » Genèse 15, 7. Mais Abraham déjà vieux ne voyait pas l'accomplissement de cette promesse si souvent renouvelée, un jour que le Seigneur la lui réitérait encore, ce père des croyants l'interrogea, « Seigneur, comment et d'après quel signe puis-je savoir que je dois la posséder ?» Ibidem, 8. Alors Dieu lui révéla que cette promesse ne se réaliserait pas de son vivant, mais dans la personne de ses enfants, qui posséderaient la terre de Chanaan 400 ans plus tard, Ibidem, 1. En réalité, Dieu donnant cette terre aux descendants d'Abraham, en considération de son amour et de sa foi, la lui donnait pour ainsi dire à lui-même, ce patriarche était dans l'illusion, et s'il avait agi d'après ce qu'il avait compris d'abord, il aurait pu s'égarer, et ne pas reconnaître la vérité de cette promesse dont l'effet ne regardait pas le présent, et ceux qui avaient entendu cette prophétie, le voyant mourir avant qu'elle ne fût accomplie, auraient été sans nul doute troublés dans leur croyance par la pensée que tout cela était faux. Un trait analogue se présente dans l'histoire de Jacob son petit-fils, au temps de la désolante famine qui affligeait le pays de Chanaan. Joseph le fit venir en Égypte, tandis qu'il était en route, Dieu lui apparut et lui dit, « Jacob, ne crains point, descends en Égypte, moi-même je descendrai là avec toi, et moi-même je t'en ramènerai lorsque tu reviendras. » Genèse 46, 3, 4. L'événement ne justifia pas le sens propre de ces paroles, car, nous le savons, le saint vieillard Jacob mourut en Égypte, et n'en sortit que pour être déposé dans la sépulture de ses pères, Ibidem 49, 32. Cette prophétie s'appliquait à sa postérité, lorsque le Seigneur, après un long séjour en Égypte, la fit sortir de ce pays et daigna se faire lui, même son guide dans le chemin. Quiconque aurait eu connaissance de la promesse de Dieu à Jacob aurait tenu pour certain, qu'étant entré sain et sauf en Égypte par l'ordre et la protection du Seigneur, Il devait de même en sortir plein de vie. Dieu n'avait-il pas employé les mêmes expressions pour lui promettre son assistance à sa sortie? Grande eût donc été la surprise et la déception de le voir mourir dans ce pays, avant la réalisation de ses espérances. Ainsi les paroles divines, très véritables en elles-mêmes, peuvent être pour nous sujettes à l'illusion. Voici un troisième exemple tiré du livre des Juges, Judith, 20, 11 et suivant. Toutes les tribus d'Israël s'étaient réunies pour punir un crime infâme commis dans la tribu de Benjamin. Dieu lui-même leur avait désigné un chef de guerre, aussi les Israélites se tinrent-ils très assurés de remporter la victoire. Malgré cela, vaincus dès le premier combat, et 22 000 dès leurs étant restés sur place, ils en furent consternés et passèrent tout le jour à pleurer en présence du Seigneur, pour savoir s'ils devaient, oui ou non, retourner au combat. Dieu leur répondit de livrer de nouveau la bataille, la victoire alors ne leur parut pas douteuse, et ils s'élancèrent avec une nouvelle ardeur sur leurs adversaires, mais, vaincus cette fois encore, ils perdirent 10 000 hommes, frappés de stupeur de voir que le Seigneur leur commandait toujours de combattre, et qu'ils étaient sans cesse vaincus. Ils ne savaient comment expliquer ce mystère. Leur surprise était d'autant plus grande que leur armée, bien supérieure en force à celle de l'ennemi, se composait de 400 000 hommes, et que la tribu de Benjamin ne comptait que 25 700 hommes. Cependant la parole de Dieu ne les avait pas trompés, mais ils l'avaient faussement interprétée. Dieu leur avait commandé de combattre, sans toutefois les assurer du triomphe. Son intention par ces défaites réitérées était de les humilier, et de les punir de leur négligence et de leur présomption précédente. La dernière fois que le peuple d'Israël marcha au combat, Dieu lui promit la victoire, et après de pénibles et courageux efforts, ses ennemis furent complètement défaits. Les âmes s'illusionnent de cette même manière et de bien d'autres, par rapport aux révélations et aux paroles qui leur viennent de Dieu. Elles s'attachent trop à l'intelligence littérale, sans réfléchir au dessein principal de Dieu dans ces choses, qui est de leur communiquer la substance cachée sous cette écorce, et le véritable esprit, difficile sans doute à concevoir, mais dont les différents sens, abondants et merveilleux, dépassent de beaucoup les limites étroites de la lettre. Celui-là donc qui prend la parole à la lettre, ou s'attache à la figure et à la forme apparente de la vision, se trompe grossièrement, et s'expose à cette confusion d'avoir suivi la lumière des sens, au lieu de s'être disposé par l'abnégation à recevoir les illuminations de l'Esprit de Dieu. La lettre tue et l'Esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6, dit saint Paul. Ces diverses citations de l'Ancien et du Nouveau Testament prouvent combien il importe de ne pas s'arrêter au sens littéral, mais de s'attacher à l'obscurité de la foi, qui est l'esprit vivificateur insaisissable au sens. C'est pourquoi la plupart des enfants d'Israël, déçus dans leurs espérances, finissaient par mépriser les prophéties et n'y plus ajouter foi. Parmi eux courait un dicton populaire, passé presque en proverbe, pour tourner en moquerie les expressions des prophètes. Isaïe s'en plaint de la sorte. À qui le Seigneur enseignera-t-il ses lois? À qui donnera-t-il l'intelligence de sa parole? Ce sont des enfants qu'on ne fait que de sevrer, qu'on vient d'arracher à la mamelle. Ils disent tous en tournant les prophètes en dérision. Promettez et promettez encore, attendez, attendez encore, un peu ici, Dieu parlera de ses lèvres à ce peuple et lui tiendra un langage inconnu. Isaïe 28, 9, 10, 11, Le peuple trop attaché à la lettre et à son propre sens se nourrissait du lait des petits-enfants, rejetait l'aliment substantiel caché dans les profondeurs de la science spirituelle, et se moquant des prophéties, disait par forme de raillerie, « Attendez, attendez encore », comme si les prédictions d'Isaïe ne devaient jamais s'accomplir, « À qui le Seigneur enseignera-t-il la sagesse de ses voies ?» s'écriait le prophète, « À qui donnera-t-il l'intelligence de sa doctrine ?» Sinon à ceux qui sont sevrés du lait de la lettre et des mamelles de leur propre sens, au lieu de comprendre le langage prophétique, ils s'arrêtent au sens littéral, et disent, promettez, promettez encore, attendez, attendez encore, etc., sans reconnaître que Dieu leur parle dans un sens dont le mystère échappe à leurs grossières interprétations. Ne nous en rapportons donc pas à notre propre jugement, ni à la signification bornée des paroles, et confessons que le sens caché sous les oracles divins est impénétrable à nos conceptions, si différentes de celles de Dieu. Écoutons le prophète Jérémie, qui lui-même semble se méprendre sur l'intelligence des paroles du Tout-Puissant, et se ranger du côté du peuple en s'écriant, « Hélas, hélas ! Seigneur Dieu, avez-vous donc trompé ce peuple et la ville de Jérusalem en leur disant, « Vous aurez la paix, et voici cependant que la pointe de l'épée va leur percer le cœur » Jérémie 4, 10. Or, la paix que le Seigneur devait contracter avec son peuple, c'était l'alliance entre lui et le genre humain, par l'entremise du Messie promis, tandis qu'Israël l'entendait dans le sens d'une paix temporelle, aussi lorsque, contrairement à son attente, la guerre avec tous ses maux vint fondre sur ce peuple, se crut-il trompé par le Seigneur. Alors, empruntant le langage de Jérémie, il disait, « Nous attendions la paix, et il n'est rien venu de bon », Ibidem, 8, 15. Il leur eût été vraiment impossible de ne pas tomber dans l'erreur en se guidant uniquement d'après le sens rigoureusement littéral, qui aurait pu, en effet, n'être pas confondu dans son espérance, par la lettre de cette prophétie que David fait du Christ, dans tout le psaume 71, et en particulier par ces mots, « Il régnera depuis une mer jusqu'à une autre mer », et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, psaume 71, 8, et plus loin, il délivrera le pauvre des mains du puissant, le pauvre qui n'avait personne pour l'assister, Ibidem, 12, quelle contradiction, voyez notre Seigneur, naître dans l'obscurité, vivre dans la misère, et non seulement ne pas régner en dominateur sur la terre, mais se soumettre aux caprices de la plus vile populace, enfin être mis à mort sous le gouvernement de Ponce Pilate, au lieu de délivrer ses disciples de l'oppression des puissants de la terre, il les laissera persécuter et mettre à mort pour son nom. Ces prophéties devaient s'entendre spirituellement du Christ, et en ce sens, elles étaient absolument vraies. Le Christ n'est pas seulement le roi de la terre, mais par sa divinité il est le souverain du ciel, il ne s'est pas contenté de racheter les pauvres qui marchaient à sa suite, et de les arracher au pouvoir du démon, le plus cruel des tyrans. Il a fait davantage en les établissant héritiers du royaume céleste, dans ces versets du psalmiste, Dieu avait en vue le résultat principal. En d'autres termes, le règne éternel de son Fils et l'éternelle liberté des hommes, les Juifs orgueilleux les interprétaient dans le sens secondaire, dont Dieu fait fort peu de cas, c'est-à-dire, ils les entendaient d'un royaume temporel, et d'une liberté passagère. Or, ces grandeurs de la terre ne méritent pas aux yeux de Dieu le nom de royaume, ni de liberté. Aveuglés par la grossièreté du sens littéral et ne comprenant ni l'esprit, ni la vérité qu'il contenait, Les Juifs crucifièrent leur Seigneur et leur Dieu, comme le rapporte saint Paul, les habitants de Jérusalem et leurs princes ne l'ayant point connu pour ce qu'il était, et n'ayant point compris les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour de sabbat, ils les ont accomplis en le condamnant, Actes 13, 27. Cette difficulté d'interpréter convenablement les paroles de Dieu était si grande, que les propres disciples de Jésus, après avoir vécu avec lui, s'y trompaient encore eux-mêmes. Les deux disciples d'Emmaüs étaient de ce nombre lorsque, tristes et découragés, ils se disaient dans le chemin, « Nous espérions que ce serait lui qui rachèterait Israël », Luc 24, 21. Ils entendaient par là leur affranchissement et la domination temporelle de leur divin maître. Le Christ, leur apparaissant alors, leur adressa ses reproches, ô insensés dont le cœur est tardif à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, Ibidem 25. Plus tard, au moment même où le Seigneur allait monter au ciel, quelques disciples, plongés encore dans cette ambitieuse ignorance, lui demandèrent, « Faites-nous savoir, Seigneur, si c'est en ce temps que vous rétablirez le royaume d'Israël. » Actes 1, 6. Le Saint-Esprit inspire souvent aux hommes des paroles qu'ils sont loin de comprendre dans le sens réel de la prédiction. Ainsi il fit dire à Caïphe, au sujet du Christ, « Il vous est bon qu'un seul homme meure pour le peuple, et non pas que toute la nation périsse. » Or il ne disait pas cela de lui-même. Johannes 11, 50, ajoute l'évangéliste. Le grand prêtre donnait à ces paroles un sens tout différent de celui que l'Esprit Saint avait en vue. Tous ces exemples nous prouvent avec évidence que nous ne devons pas prendre légèrement pour base de notre conduite les paroles et les révélations, lors même qu'elles sont de Dieu. Car notre manière de les comprendre nous entraînerait très aisément dans le piège de l'illusion. En elles-mêmes ce sont des abîmes de profondeur pour l'esprit, et les restreindre à notre sens borné, c'est vouloir palper l'air et les atomes dont il est chargé, l'air s'échappe de la main et l'on n'étreint que le vide. Le directeur spirituel doit donc s'appliquer à détourner l'esprit de son disciple de l'estime de toutes ces manifestations surnaturelles, vrais atomes de l'esprit. Que gagnerait-il à s'y arrêter, sinon de perdre l'esprit intérieur? Au contraire, le confesseur fortifiera la volonté de son fils spirituel par le détachement, en lui apprenant à s'établir dans la liberté et dans l'obscurité de la foi, où se communique abondamment la vie de l'esprit, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence véritable des paroles divines. Il est impossible à l'homme qui n'est pas vraiment intérieur, de juger des choses de Dieu, ni même de les interpréter selon la droite raison. Les juger d'après les sens, c'est prouver la médiocrité de son savoir en fait de spiritualité, et se mettre hors d'état de les comprendre, au dire de saint Paul. Or, l'homme animal ne conçoit point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Elles lui paraissent une folie et il ne peut les comprendre, parce que c'est par une lumière spirituelle qu'on en doit juger, mais l'homme spirituel juge de tout. 2 Corinthiens 2, 14, 15. L'homme animal est celui qui s'appuie sur le témoignage des sens, et l'homme spirituel, celui qui en est dégagé et ne les prend jamais pour guide. Il est donc bien téméraire celui-là qui ose s'en servir pour traiter avec Dieu par la voie des connaissances surnaturelles. Mettons cette doctrine dans un plus grand jour par de nouveaux exemples. Supposez qu'un saint, en butte à la persécution de ses ennemis, entende une voix divine lui promettre sa complète délivrance. Néanmoins ses adversaires prévalent contre lui, et il meurt entre leurs mains. Il ne s'ensuit pas que la prédiction soit fausse, mais celui qui en aurait fait une application temporelle se serait trompé, Dieu ayant pu avoir en vue le salut éternel, où l'âme jouit de la véritable liberté et du vrai triomphe sur tous ses ennemis, bien plus excellemment que si elle en avait été délivrée ici-bas. Le sens de ces paroles était donc beaucoup plus réel et plus élevé que l'homme n'aurait pu le concevoir, en le rapportant à la vie présente. Dieu a toujours l'intention de donner à ses paroles le sens le plus fécond en bienfait, mais l'homme s'aveugle, s'il les interprète à sa manière dans le sens le moins profond. Il est dit au sujet du Christ, « Vous les gouvernerez avec une verge de fer, et vous les briserez comme le vaisseau du potier. » Psaume 2, 9. Dieu, par la bouche de son prophète, parle ici dans le sens de l'éternelle et principale domination de son Fils, qui s'étend de siècles en siècles, et non dans le sens de sa royauté temporelle, dont la souveraineté ne s'est pas manifestée durant le cours de sa vie mortelle. Citons un autre exemple, une âme embrasée d'un vif désir de souffrir le martyr entendra peut-être la voix de Dieu répondre à ses aspirations, « Oui, tu seras martyr ». Cette promesse la remplit intérieurement d'une immense consolation, et d'une confiance invincible qu'il en sera ainsi. Malgré cela, cette personne ne subira pas le martyre, et cependant la parole de Dieu était véritable. Comment expliquer ce mystère? Par la doctrine même que nous développons, la partie essentielle et principale de la prophétie s'effectuera, c'est-à-dire, Dieu donnera à l'âme l'amour et la récompense du martyr, en la rendant martyr par un état prolongé de souffrance, dont la continuité est plus cruelle que la mort même. Le Seigneur accomplit ainsi sa promesse, et exauce réellement la prière de l'âme. Son principal désir n'était pas, en effet, d'endurer ce genre de mort en particulier, mais de prouver à Dieu un amour aussi intense que celui du martyr, en dehors de l'amitié de Dieu. Cette mort n'a aucune valeur par elle-même, or l'amour, l'acte et le mérite du martyr, sont pleinement donnés à l'âme par d'autres moyens. Et si par le fait elle ne meurt pas martyr, cependant elle se félicite d'avoir obtenu ce qu'elle souhaitait. Ses désirs et d'autres semblables, dont le mobile est un amour très ardent, ne s'accomplissent pas toujours, comme on l'avait supposé, mais il se réalise dans un sens meilleur et plus glorieux à Dieu, selon la parole de David. Le Seigneur a exaucé les désirs des pauvres, Psaume 9, 17. Dans les Proverbes, la divine sagesse nous dit également, « Les justes obtiendront ce qu'ils désirent », Proverbes 10, 24. Une multitude de saints, nous le savons, aspirèrent à faire de grandes choses pour le service de Dieu, si leur désir, qui était juste et droit, n'a point été réalisé ici-bas, il a eu, nous n'en pouvons douter, son parfait accomplissement au-delà de cette terre, et les promesses que Dieu eut pu leur faire à ce sujet se sont trouvées véritables. Les paroles et les visions célestes peuvent donc, de cette manière et de beaucoup d'autres encore, être vraies et certaines, et néanmoins nous devenir une occasion d'illusion, faute de ne pas savoir pénétrer les vues élevées et les intentions sublimes que Dieu y tient cachées. Le plus sûr et le meilleur, c'est donc d'exhorter les âmes à fuir avec prudence les grâces surnaturelles, et de les habituer, ainsi que nous l'avons dit, à persévérer dans la pureté et l'obscurité de la foi, qui est le seul moyen pour arriver à l'union. Chapitre 20. Comment les prophéties et les paroles de Dieu, toujours véritables en elles-mêmes, ne sont pas toujours certaines, vu les circonstances qui les ont motivées, preuve tirée de la Sainte Écriture. Le moment est venu d'expliquer le second motif pour lequel les visions et les paroles divines, vraies en elles-mêmes, n'ont pas toujours par rapport à nous une égale certitude. Ce second motif tient aux raisons qui les ont motivées. Par exemple, le Seigneur dit, « Dans un an j'enverrai tel châtiment à ce royaume, la cause de cette sentence est une offense commise dans ce pays contre sa majesté, si l'on ne s'amende pas, la punition s'ensuivra forcément, mais si les circonstances viennent à modifier cette offense, la peine pourra cesser ou se modifier également. La menace était néanmoins véritable, parce qu'elle portait sur la faute actuelle, et si celle-ci avait continué, cela se fût exécuté. Ce sont des menaces ou des révélations comminatoires et conditionnelles. La conversion de la ville de Ninive nous en fournit une preuve sensible. Dieu avait ordonné au prophète Jonas de dire de sa part aux Ninivites, « Dans 40 jours Ninive sera détruite. » Jean 3, 4. Toutefois cette prédiction ne se réalisa pas, parce que la cause disparut, la sévère pénitence qu'ils firent aussitôt de leur crime prévint l'effet de la menace divine, qui eut infailliblement reçu son accomplissement, si ce peuple n'eût pas imploré son pardon. Le roi Achab ayant commis un crime énorme, comme il est rapporté au troisième livre des rois, Dieu lui envoya son prophète, notre père Saint Élie, pour le menacer de sa colère, qui s'étendrait non seulement à sa personne, mais encore à sa maison et à tout son royaume. En apprenant cette nouvelle, Achab déchira ses vêtements de douleur, couvrit sa chair d'un cilice, jeûna et dormit sur le sac, et marcha la tête baissée. 3. Rois, 21, 27. Touché de son repentir, Dieu lui envoya dire par le même prophète, « Puisqu'Achab s'est humilié pour l'amour de moi, je ne ferai point tomber sur lui, pendant qu'il vivra, les maux dont je l'ai menacé, mais sous le règne de son fils. » 3. Rois, 21, 29. Achab s'étant converti, la menace et la sentence de Dieu furent commuées. D'où nous pouvons conclure que si Dieu avait révélé affirmativement à une âme telle chose agréable ou fâcheuse, la concernant et l'autrui, cette promesse pourrait éprouver des changements plus ou moins considérables, peut être même cesser entièrement d'exister, suivant les modifications survenues dans les dispositions de l'âme, ou dans la cause que le Seigneur avait en vue. Bien souvent l'âme ignore le motif de ce changement. Dieu seul en possède le secret. D'ailleurs toutes les communications divines ne sont pas faites pour être acceptées ou comprises actuellement. Beaucoup sont cachées dans l'avenir, et leur lumière se manifestera au moment opportun, ou lorsque l'âme en ressentira l'effet. Telle fut la conduite de notre Seigneur à l'égard de ses disciples, en leur adressant de nombreuses paraboles et de mystérieuses maximes dont ils ne pénétrèrent la divine sagesse qu'au jour où ils durent annoncer cette céleste doctrine, c'est-à-dire après la descente du Saint-Esprit, ce paraclet dont Jésus-Christ leur avait dit, « Il vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. » Johan 14, 26. C'est pourquoi dans le récit de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, Saint Jean a écrit, « Les disciples n'entendirent point cela d'abord, mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent alors que ces choses avaient été annoncées de lui. » Ibidem, 12, 16. Ainsi l'âme peut recevoir bien des impressions divines, sans qu'elle-même ni son directeur en ait l'intelligence avant le temps. Dans le livre des rois nous voyons que Dieu s'irrita contre Élie, grand prêtre en Israël, à cause des péchés de ses enfants, qu'il avait la lâcheté de tolérer. Il lui envoya donc dire par Samuel les paroles suivantes, « J'ai dit et j'ai assuré que votre maison et la maison de votre père serviraient à jamais devant ma face. » Mais maintenant je suis bien éloigné de cette pensée, dit le Seigneur. Aussi ne la réaliserai-je pas. 1. Rois, 2, 30. Le ministère du grand prêtre consistait à rendre gloire et honneur à Dieu, Et le Seigneur avait promis que le sacerdoce se perpétuerait d'âge en âge dans la famille d'Eli, s'il persévérait dans son zèle pour la gloire de Dieu, et la fidélité à son service, mais la négligence qu'il apporta à remplir ses devoirs, et la préférence qu'il donna à l'honneur de ses enfants sur celui du Très-Haut, en dissimulant leurs péchés, excitèrent les plaintes du Seigneur et le contraignirent à retirer sa promesse. Il n'y a donc pas lieu de croire que les paroles et les révélations divines soient toujours infaillibles, selon la signification rigoureuse des expressions, principalement quand, d'après les desseins du Seigneur, ces prédictions sont liées aux causes secondes, sujettes par leur nature à se modifier et à s'altérer. À la vérité, Dieu seul a le secret de cette dépendance, et il n'est pas toujours explicite. Au contraire, il prophétise parfois en taisant les circonstances conditionnelles, comme il le fit pour les Ninivites, lorsqu'il leur annonça la destruction de leur ville en termes absolus par la bouche de Jonas. Dans d'autres occurrences, il déclare nettement sa pensée, « Ainsi en agit-il à l'égard de Roboam, si vous marchez dans mes voies en gardant mes ordonnances et mes préceptes, comme a fait David, mon serviteur, je serai avec vous, je vous ferai une maison, qui sera stable et fidèle, comme j'en ai fait une à mon serviteur David. » 3. Rois 11, 38. Après tout, que le Seigneur laisse ou non dans le vague le motif de ses révélations, nous ne devons jamais nous appuyer sur notre interprétation personnelle. La faiblesse de notre intelligence ne nous permettant pas de découvrir la multiplicité des vérités cachées sous les paroles du Tout-Puissant, il réside au-dessus des cieux et il parle le langage de l'éternité, tandis que nous, pauvres mortels, nous sommes des aveugles dans cette vallée de larmes, et absolument incapables de pénétrer dans la profondeur de ses secrets. C'est pour cette raison sans doute, que le sage s'écrie, « Dieu est dans le ciel, et vous sur la terre, c'est pourquoi gardez-vous de parler beaucoup, Ecclésiaste 5, 1. Peut-être me direz-vous, puisque nous ne pouvons pas comprendre ces choses, ni en faire l'objet de notre application, pourquoi le Seigneur nous en favorise-t-il ? J'ai déjà répondu à ce sujet qu'il ne faut pas vouloir devancer le temps prescrit par la volonté de celui qui a parlé. Dieu donnera l'intelligence à qui il voudra au moment opportun, et on reconnaîtra alors que tous les événements arrivent conformément à sa divine sagesse et à la suprême vérité. Sachez bien qu'on ne peut concevoir le sens complet des paroles et des œuvres de Dieu, ni le déterminer d'après les apparences, sans s'exposer à beaucoup d'erreurs et à d'étranges mécomptes. Cette vérité était bien connue des prophètes, qui avaient entre les mains la parole de Dieu. Beaucoup d'entre eux ne voyaient pas leurs prédictions s'accomplir à la lettre. Aussi était-ce pour eux une très grande souffrance d'avoir la mission de les annoncer aux Juifs, en but à la raillerie et à la risée du peuple. Jérémie disait en leur nom, « Je suis devenu l'objet de leur moquerie pendant tout le jour, et tout me raille avec insulte, parce qu'il y a déjà longtemps que je parle, que je crie contre leurs iniquités, que je leur prédis une désolation générale. Et la parole du Seigneur est devenue pour moi un sujet d'opprobre et de raillerie pendant tout le jour. Alors j'ai dit, je ne nommerai plus le Seigneur et je ne parlerai plus en son nom. » Jérémie 20, 7, 8, 9. Ces plaintes du prophète nous dépeignent l'accablement d'un homme qui se résigne sans doute, mais qui ne peut supporter le poids des secrets de Dieu. Elles nous font également comprendre combien les paroles divines diffèrent du sens vulgaire qu'on leur attribue, et nous prouvent que souvent les prophètes de Dieu passaient pour des séducteurs. Aussi Jérémie ajoutait, « Il dans l'amertume de son cœur, la prophétie est devenue notre frayeur, noir filet est notre ruine, Lamentation, 3, 47. Le même motif engagea Jonas à s'enfuir lorsque Dieu lui enjoignit de prédire la destruction de Ninive. Ne pouvant saisir la vérité des paroles divines, ni en pénétrer le sens mystérieux, il fuyait pour n'être pas contraint de prophétiser, redoutant la moquerie de ceux qui verraient la nullité de ses menaces. La même crainte le retint pendant 40 jours en dehors de la ville, pour attendre l'issue de la prophétie, et comme l'événement ne répondit pas à son attente, en proie à une extrême affliction, il s'écria, « Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays, c'est ce que j'ai prévu d'abord, et c'est pour cela que j'ai fui à Tarsis. » Jean 4, 2, et le saint homme s'attrista au point de prier Dieu de lui ôter la vie. En résumé, faut-il s'étonner que les paroles et les révélations de Dieu ne s'accomplissent pas toujours selon le sens qu'exprime la lettre, puisque ces prophéties, nous l'avons dit, sont subordonnées aux dispositions de ceux qui en sont l'objet. Il ne faut donc, sous aucun prétexte, s'appuyer, dans ces matières, sur son intelligence personnelle, mais prendre uniquement la foi pour fondement et pour guide de ses actes.